C'est terminé, maintenant c'est notre tour d'or. Y'a plein de gars qui font la queue pour passer de l'autre côté. On en viendra à bout, on les mettra en pièces. J'aime bien cette idée d'être nous seuls contre tous. On est dans le cul. À partir de maintenant, les décisions, on les prendra tous ensemble. Personne n'agira plus de façon isolée. Maintenant, on est une